يقول الشيخ فوزان حفظه الله في شرحه ثلاثة أصول: فلا بد للأمة من أناس يتعلمون هذا القسم، هذا القسم لأنهم بحاجة إليه. Donc il est obligatoire et impératif pour parmi les gens, pour les gens de la communauté, d'apprendre cette science-là. Donc cette deuxième science, celle qui est obligatoire pour certains et pas pour tous, car cette communauté forcément a besoin de cette science. لكن ما يقال لكل واحد يجب عليك أن تتفقه في هذه الأبواب. En fait, il ne faut pas imposer cette science à chacun d'entre nous. On ne va pas voir chaque personne lui dire il est obligatoire pour toi de t'inscrire dans ces chapitres de la science. لأنه قد لا يتأتى هذا لكل أحد وإنما يختص هذا بأهل القدرة وأهل الاستطاعة من الأمة. Pourquoi? Parce que cette science elle n'est pas donnée à tout le monde et elle est spécifique à ceux qui en ont là les capacités et la possibilité parmi les gens de la communauté. Donc ceux qui en ont la capacité de l'apprendre. ولأنه إذا تعلم هذا بعض الأمة قام بالواجب بخلاف القسم الأول فكل واحد مسؤول عنه بنفسه. Pourquoi? Parce que si une personne partie de la communauté apprend cette science-là, donc il n'est pas obligatoire pour tout le monde, l'obligatoire est fait. D'accord? Il n'y a rien de grave. À l'opposé, donc, de la science de la première catégorie, c'est ce qu'on avait dit, qui est obligatoire pour chacun d'entre nous. À l'opposé de celle-là, parce que cette science-là, donc celle qui est obligatoire pour chacun d'entre nous, celle-là, tout le monde va être interrogé à son sujet. Tout le monde va être interrogé à son sujet. لأنه لا يمكن أن يعمل هذه الأعمال إلا عن علم. Pourquoi? Parce que donc les actes qui ont attrait à cette science-là, donc la première catégorie, donc ne peuvent pas être faits si ce n'est sans science. Il est obligatoire donc de les apprendre. ولهذا قال الشيخ يجب علينا ولم يقول يجب على المسلمين أو يجب على بعضهم بل قال يجب علينا أي على كل واحد منا وجوبا عينيا. Donc c'est pour ça que le Cheikh Mohammed Abdel Wahhab dans son livre a dit il est obligatoire pour chacun, pour tout le monde, au sens de chacun d'entre nous. Et il n'a pas dit il est obligatoire pour les musulmans, pour les musulmans, une partie d'entre eux. Ou il n'a pas dit voilà, une partie d'entre eux. Ben, il a dit au contraire, il a dit il est obligatoire pour tout le monde. Donc il est obligatoire pour tout le monde, c'est-à-dire que cette science de la première catégorie, il est obligatoire pour chacun d'entre nous de l'apprendre de façon absolue, pour chacun d'entre nous sans exception. ولنعلم أيضا قبل الدخول في المسائل أن المراد بالعلم الذي يجب على الأمة إما وجوبا عينيا أو كفائيا أنه العلم الشرعي الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Donc il faut qu'on sache également que avant de rentrer dans les questions, les sujets qui arrivent dans ce livre, que ce qui est voulu par la science ici, c'est la science religieuse, qu'elle soit obligatoire pour chacun d'entre nous ou pour une partie de la communauté seulement. Il s'agit de la science religieuse, la science avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. أما العلم الدنيوي كعلم الصناعات والحرف والحساب والرياضيات والهندسة فهذا العلم مباح يباح تعلمه وقد يجب إذا احتاجت الأمة إليه. Quant aux sciences mondaines, ce bas monde, comme les sciences qui ont trait à l'industrie, à la technologie, à l'artisanat, à la comptabilité, mathématiques, etc., l'ingénierie, etc., cette science-là est permise. Elle est permise. Et elle devient peut-être même obligatoire si la communauté en a besoin. Elle devient peut-être même obligatoire si la communauté en a besoin. يجب على من يستطيع لكن ليس هو العلم المقصود في القرآن والسنة. D'accord? Il est même obligatoire pour celui qui en a la possibilité d'apprendre cette science moderne. D'accord? Par contre, il ne faut pas dire que c'est cette science-là dont il s'agit dans le Coran et la Sunna. Ce n'est pas de cette science-là dont il s'agit. Il s'agit de la science avec laquelle est venu le messager sallallahu alayhi wa sallam. والذي أثنى الله تعالى على أهله ومدحهم والذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء المراد العلم الشرعي. Donc cette science au sujet de laquelle Allah a fait l'éloge et à encenser ce qu'ils avaient, au sujet de laquelle le prophète a dit les savants sont les héritiers des prophètes. Hein, la science dont il s'agit dans ces versets et dans ces hadiths, c'est bien la science religieuse. وأما علم الدنيوي فمن جهله فلا إثم عليه. Dans la science mondaine, la science de ce bas monde, celui qui est ignorant de celle-ci, il ne commet pas de péché. ومن تعلمه فهو مباح له. Par contre, celui qui l'apprend, c'est permis, c'est autorisé. Ce n'est pas parce qu'il ne commet pas de péché qu'il n'a pas le droit de l'apprendre. وإذا نفع به الأمة فهو ماجور عليه ومثاب عليه. Par contre, s'il en fait profiter cette science mondaine, s'il en fait profiter la communauté, il sera récompensé pour cela. ولو مات الإنسان وهو يجهل هذا العلم لم يؤاخذ عليه يوم القيامة. Par contre, si une personne meurt, elle est ignorante de ces sciences-là, ces sciences modernes, on ne lui en voudra pas, on ne lui donnera pas de compte à ce sujet. لكن من مات وهو يجهل العلم الشرعي خصوصا العلم الضروري فإنه يسأل عنه يوم القيامة لما لم تتعلم. Par contre, celui qui meurt en ignorant la science religieuse, en particulier la science qui est obligatoire à chacun d'entre nous, cette personne-là sera questionnée le jour des comptes. On lui dira pourquoi tu n'as pas appris, pourquoi ne t'es-tu pas instruit. Pourquoi n'as-tu pas questionné, pourquoi n'as-tu pas cherché. الذي يقول إذا وضع في قبره ربي الله والإسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا ينجو. يقال له من أين حصلت هذا؟ يقول قرأت كتاب الله وتعلمته. La personne qui sera mise dans sa tombe et qui dira mon Seigneur est Allah, l'Islam, la religion de la soumission, et ma religion, et mon prophète, et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, celui-là sera sauvé. Et on lui demandera où as-tu acquis tout cela? D'où te vient tout cela? Il dira j'ai lu le livre d'Allah et je l'ai appris. أما الذي أعرض عن ذلك فإنه إذا سئل في قبره فإنه يقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. Quant à celui qui s'est opposé à la vérité, celui qui ne l'a pas cherché, il sera questionné dans sa tombe et il dira, il gémira, il poussera des gémissements, ha, je ne sais pas. J'ai entendu des gens dire des choses, je les ai simplement répétées. Donc, cette personne-là, sa tombe sera alimentée de feu et elle sera serrée à tel point que ses côtes s'entrelaceront. Sa tombe deviendra un trou parmi les trous, parmi les fosses de l'enfer. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su et il n'a pas récité. On lui dira alors, tu n'as pas su, tu n'as pas récité. Donc cette personne à qui on dira, tu n'as pas appris, tu n'as pas lu, tu n'as pas écouté, tu n'as pas récité, lui il n'aura pas appris, il n'aura pas pris exemple sur les gens de science. En fait, il aura fait de sa vie, il aura perdu son temps dans sa vie. Il aura fait il aura malmené sa vie. C'est cette personne-là dont la destinée sera le malheur. Wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. فقوله العلم هذا هو العلم الشرعي المطلوب منا جماعة وأفرادا. Donc la parole de Cheikh Mohammed al-Wahhab, rahimahullah, العلم, la science, Cheikh Fawzan dit, donc c'est la science religieuse dont on nous demande d'apprendre, que ce soit en groupe ou de façon individuelle. وهو معرفة الله بأسمائه وصفاته ومعرفة حقه علينا وهو عبادته وحده لا شريك له فأول ما يجب على العبد هو معرفة ربه عز وجل وكيف يعبده. Donc, quelle est cette science? Il nous l'a définie. C'est la connaissance d'Allah à travers ses noms et ses caractéristiques, ses attributs. La connaissance du droit qu'il a envers nous et qui est le fait de lui vouer un culte exclusif sans lui donner aucun associé. Donc, la première chose dont il est obligatoire pour chacun d'entre nous de connaître, c'est la connaissance de son Seigneur, Azza wa Jal, et comment il doit l'adorer. ثم قال شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله وهو معرفة الله ومعرفة نبيه. Donc la science est la connaissance d'Allah et la connaissance de son messager, de son prophète. قوله وهو معرفة الله. Donc la parole de شيخ محمد بن الوهاب, la science هو معرفة الله, la connaissance d'Allah. شيخ الإسلام explique, dit كيف يعرف العبد ربه. Comment le serviteur connaît son Seigneur. يعرفه بآياته ومخلوقاته فمن آياته الليل والنهار ومن مخلوقاته الشمس والقمر كما يأتي بيان هذا إن شاء الله. Donc il dit comment on connaît notre Seigneur, donc à travers ces versets et ces versets et ces créatures. Parmi ces créatures, parmi ces versets, donc la nuit et le jour, parmi ces créatures, la lune et le soleil et la lune. Comme cela sera indiqué donc par la suite. يعرف الله بآياته الكونية وآياته القرآنية. Donc il reconnaît Allah, il connaît Allah à travers ses signes dans l'univers, qui existe dans l'univers, et aussi à travers les versets du Coran. إذا قرأ القرآن عرف الله سبحانه وتعالى أنه هو الذي خلق السماوات والأرض. وأنه هو الذي سخر ما في السماوات والأرض وأنه هو الذي يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأنه الرحمن الرحيم. Donc celui qui lit attentivement le Coran, il sait que Allah est celui qui a créé les cieux et la terre. Il sait que c'est celui qui a géré et organisé les cieux et la terre et mis à disposition de l'être humain notamment. Et il sait aussi que c'est celui qui donne la vie, qui donne la mort, et c'est celui qui est capable de toutes choses, comme il est infiniment miséricordieux, de tout miséricordieux. Fa al-Qur'an yu'arif billahi 'azza wa jalla wa annahu huwa alladhi an'ama 'alayna bi jami'i ni'am wa annahu huwa alladhi khalaqana wa razaqana fa idha qara'ta al-Qur'an 'arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Donc le Coran nous fait connaître Allah Azza wa Jal, nous fait connaître Allah Azza wa Jal, celui qui nous a comblés de tous ses bienfaits, celui qui nous a créés et qui nous donne notre subsistance. Donc lorsque tu lis le Coran, tu apprends, tu connais ton Seigneur, tu connais ton Seigneur subhanahu wa ta'ala, à travers ses noms, ses attributs et ses actes. Wa idha nadharta fil kawni 'arafta rabbaka subhanahu wa ta'ala annahu huwa alladhi khalaqa hadha al-khalq وسخر هذا الكون وأجراه بحكمته وعلمه سبحانه وتعالى هذا هو العلم بالله عز وجل. Donc la deuxième catégorie de signes de versets, si tu observes l'univers en général, la création en général, tu reconnaîtras, tu trouveras ton Seigneur, tu connaîtras ton Seigneur, tu sauras que c'est lui qui a créé toute cette création et qui l'a mise à disposition et l'a organisée avec sagesse et avec science سبحانه وتعالى. Telle est la science d'Allah Azza wa Jal. ثم يقول شيخ الإسلام محمد الوهاب قوله ومعرفة نبيه. Donc la connaissance de son prophète, شيخ الفوزان يقول حفظه الله هو محمد صلى الله عليه وسلم لأنه هو المبلغ عن الله عز وجل. Donc quand il dit la connaissance de son messager, il s'agit du prophète Muhammad, de son prophète, il s'agit du prophète Muhammad صلى الله عليه وسلم, car il est celui qui transmet d'Allah vers ses serviteurs, et l'intermédiaire entre Allah et ses serviteurs. Wa huwa al-wasita baynana wa bayna Allah 'azza wa jalla fi tabligh ar-risala. Donc c'est lui qui transmet la prophétie de la part d'Allah à ses serviteurs. La budda an ta'rifahu, ta'rifu man huwa wa ta'rifu nasabahu وتعرف بلده وتعرف ما جاء به عليه الصلاة والسلام تعرف كيف بدأه الوحي وكيف قام بالدعوة إلى الله عز وجل في مكة والمدينة تعرف سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ولو باختصار. Donc, qui tu dois être impératif pour ça, pour nous de connaître ce message, ce prophète. Tu sais qui tu demandes, tu sais qui il est. Tu connais sa lignée. Tu connais le pays dans lequel il a vécu. Tu connais ce avec quoi il est venu. Tu connais comment la révélation a commencé, comment la révélation a débuté avec lui. Et tu apprends aussi comment il s'est occupé de la prédication à Allah Azza wa Jal lorsqu'il était à la Mecque et ensuite à Médine. Donc tu connais sa biographie, la biographie du messager sallallahu alayhi wa sallam, ne serait-ce de façon résumée. Al-Rasul sallallahu alayhi wa sallam هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف إلى آخر النسب النبوي الشريف الذي ينتهي إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Donc le messager عليه الصلاة والسلام c'est محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف jusqu'à sa lignée noble, de sa lignée noble qui se termine jusqu'à إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وتعرف كيف عاش قبل البعثة وكيف جاءه الوحي من الله عز وجل وماذا عمل عليه الصلاة والسلام بعد بعثته. تعرف ذلك بدراسة سيرته صلى الله عليه وسلم. ولا يليق بالمسلم أن يجهل الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف تتبع شخصا وأنت لا تعرفه هذا غير معقول. Donc, Cheikh Fawzan, il dit, après avoir parlé de sa lignée, il dit, tu connais comment il a vécu, tu sais, tu apprends, tu t'instruis sur comment il a vécu avant la prophétie, avant qu'il soit prophète. Comment la prophétie lui est parvenue de la part d'Allah Azza wa Jal. Ce qu'il a fait, alayhi salatu wa salam, après la prophétie. Tu sais tout cela, comment? En étudiant sa biographie. En étudiant la biographie du prophète, alayhi salatu wa salam. Il ne provient pas. La yaliq bil muslim. Il ne convient pas à chacun musulman d'ignorer le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Comment tu prétends suivre une personne alors que tu ne la connais pas? Comment suis-tu une personne alors que tu ne la connais pas? C'est quelque chose d'insensé. Qawluhu ma'rifatu din al-islam. Cheikh Mohamed Al-Wahhab dit ensuite ma'rifatu din al-islam, la connaissance de la religion de l'islam, la religion de la soumission. Et يقول الشيخ فوزان الذي هو دين هذا الرسول صلى الله عليه وسلم بل هو دين الله عز وجل الذي امر به عباده. D'accord, quel est l'islam? C'est quoi? C'est la religion de ce messager عليه الصلاة والسلام. Plus encore, c'est la religion d'Allah, c'est la religion d'Allah qu'il a ordonné de suivre à tous ses serviteurs. والذي أمرك باتباعه وأنت مطالب به لا بد أن تعرف هذا الدين. Donc il t'a, c'est cette religion qu'Allah t'a ordonné de suivre et sur laquelle on te demandera des comptes. Donc il est obligatoire pour toi de connaître cette religion. والإسلام هو دين جميع الرسل كل الرسل دينهم الإسلام بالمعنى العام فكل من اتبع رسولا من الرسل فهو مسلم لله عز وجل منقاد له موحد له. Donc il est impératif pour toi de connaître cette religion. Et la religion d'Islam, de la soumission, c'est la religion de l'ensemble des messagers, de tous les messagers, sans exception. Tous les messagers ont pour unique et seule religion à l'islam, la soumission dans son sens général. On verra par la suite la définition. Donc dans son sens général. فكل من اتبع الرسول من الرسل فهو مسلم لله مقاد له. Donc toute personne qui suit un messager parmi les messagers, il est muslim, il est musulman et soumis à Allah et lui il l'unifie dans cela. هذا الإسلام بمعناه العام. Attention, c'est l'islam dont on parle ici, c'est l'islam dans son sens général. إنه دين الرسل جميعا فالإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك وأهله. Donc c'est ceux qui répondent à ces trois conditions-là, qui ont suivi les conditions, donc qui ont suivi un messager parmi les messagers avant la venue du prochain, bien sûr, et qui se sont soumis à ces trois conditions-là, à savoir se soumettre à Allah en l'unifiant dans ses actes d'adoration, le fait de se soumettre à ses adorations également, et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. D'accord ? Et le fait de se désavouer du polythéisme et de ses adeptes. Quelles sont les trois conditions pour entrer dans ce qu'on appelle la religion de l'islam de façon générale ? أما الإسلام بمعناه الخاص فهو الذي بعث الله به نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم لأنه بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لا دين إلا دينه عليه الصلاة والسلام. Voilà, pas non plus tombé dans l'exagération. C'est-à-dire par exemple ceux qui ont cru Isa عليه الصلاة والسلام, donc ils ont cru un messager parmi les messagers, même si aujourd'hui ils croient lui, on dit Samu Sibla. Aujourd'hui, avec la venue du prophète عليه الصلاة والسلام, classe. Donc ça, l'islam khas, l'islam particulier, c'est celui avec lequel est venu le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'il dit Cheikh Fouzel, rahmatullah. Quant à l'islam, dans sa définition particulière, précise, c'est l'islam, celle qui est acceptée aujourd'hui, c'est l'islam avec lequel Allah a envoyé son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car après la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, aucune religion n'est acceptée. Sauf si c'est la religion du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à savoir l'islam. وَالْإِسْلَامُ انْحَصَرَ فِي اتِّبَاعِهِ فَلَا يُمْكِنُ لِلْيَهُودِ أَنْ يَقُولَ أَنَا مُسْلِمُ أَوْ النَّصْرَانِ يَقُولَ أَنَا مُسْلِمُ بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يتبعه. فالإسلام بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هو اتباعه صلى الله عليه وسلم. قال تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. هذا هو الإسلام بمعناه العام وبمعناه الخاص. Donc il est donc l'islam, donc quand on parle de la religion de la soumission, l'islam aujourd'hui, c'est celle uniquement avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est avec laquelle est venu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et le cas avec lequel il était ordonné de suivre. Donc un juif qui vient aujourd'hui qui dit à un musulman je suis musulman, non, c'est pas possible. Comme pour le chrétien qui dit aujourd'hui je suis musulman, non, c'est pas possible. Pourquoi? Parce que après la venue du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a que ceux qui le suivent qui pourront dire cela, qui pourront se défendre musulmans soumis à Allah. Comment tu peux dire je suis musulman alors que tu ne suis pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc la seule religion valable après l'islam valable aujourd'hui, c'est celui avec lequel est venu le prophète alayhi salatu wa sallam. Allah dit dans le sens du verset, oh, dites, si certes, et si vous prétendez aimer Allah, suivez-moi. Suivez-moi le prophète, hein, sous-entendu. Suivez-moi, Allah vous aimera. Telle est la définition donc de l'islam de façon générale et de façon particulière. Fouma yakulu, Cheikh al-Islam, Muhammad al-Wahhab, bil adillati. Donc avec les preuves. Donc la parole bil adillah. بالله بالتقليد وإنما بالأدلة من القرآن ومن السنة هذا هو العلم. شوف وزن حفظ الله دي. Donc là, on fait la connaissance. On revient au problème du texte, hein, la connaissance d'Allah, de son prophète et de sa religion. Donc avec les preuves, pas en suivant aveuglément, mais avec les preuves tirées du Coran et de la Sunna. Telle est la science. La science c'est ça, c'est les preuves tirées du Coran et de la Sunna. قال ابن القيم في الكافية الشافية العلم قال الله قال رسوله قال صحابة هم العرفان ما العلم يصدق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين رأي فلان. Donc ابن القيم dit à ce sujet dans son livre dans الكافية الشافية. Donc la science c'est quoi? La science c'est Allah a dit, son messager a dit, les compagnons ont dit, ce sont eux qui ont la connaissance. La science, ce n'est pas une prétendue divergence idiote que tu mettrais entre la parole d'une personne et celle du messager. D'accord ? هذا هو العلم. Telle est la science. العلم هو علم الكتاب والسنة. أما أقوال العلماء فهي تشرح وتوضح فقط كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد يكون فيها أو في بعضها خطأ. Telle est la science. La science, donc, Allah a dit, le prophète a dit, les compagnons ont dit. La science est la science du livre, du Coran et de la Sunna. Quant aux paroles des savants, elles expliquent. ces preuves. Elle les explique, elle les éclaircisse. Elles éclaircissent seulement. Ils éclaircissent seulement les paroles. La parole d'Allah et la parole de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ces paroles-là, des savants, il peut y avoir des fautes, que ce soit de façon complète ou partielle. وَالْأَدِلَّةُ لَيْسَتْ كَلَامَ الْعُلَمَا. Il ne faut pas croire, il ne faut pas dire que la parole des savants c'est une preuve. Une preuve en tant que telle, comme au même niveau que une preuve du Coran, comme si c'était un verset ou comme si c'était un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord ? Ce n'est pas une preuve en tant que telle, comme si c'était un verset ou un Coran. إِنَّمَا الْأَدِلَّةُ هِيَ الْآيَاتُ الْقُرْآنِيَّةُ وَالْأَحَادِيثُ النَّبَوِيَّةُ وَأَمَّا كَلَامُ الْعُلَمَاءِ فَهُوَ شَارِحٌ وَمُوَضِّحٌ وَمُبَيِّنٌ لِذَلِكَ لَا أَنَّهُ دَلِيلٌ فِي نَفْسِهِ. Donc il dit les preuves ce ne sont pas les paroles des savants. Mais les preuves ce sont les versets du Coran et les hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. Quant aux paroles des savants, ce sont des paroles qui expliquent, qui éclaircissent, qui démontrent ces choses-là, mais en tant que telles, ce ne sont pas des preuves dans le sens où ce ne sont pas des versets, ni n'ont pas la valeur des versets, ni des hadiths du prophète alayhi salatu wa salam. هذه هي المسألة الأولى وهي الأساس بدأ بها الشيخ رحمه الله لأنها هي الأساس وإنما يبدأ بالعقيدة وبالأساس بالتعلم والتعليم والدعوة إلى الله عز وجل يبدأ بالعقيدة لأنها هي الأصل وهي الأساس. Donc quelle est le premier point qu'on avait vu au sujet la masala al-ula etc. Donc la première chose c'est la base, la chose la plus fondamentale, la basique avec laquelle il faut commencer, et c'est pour cela que Cheikh Mohamed Al-Wahhab a commencé avec, c'est la science, la croyance. Parce qu'on commence avec la croyance. La croyance, c'est les fondements, c'est la base de tout, qu'il faut apprendre et enseigner, et à laquelle il faut appeler. Donc il faut appeler à cette croyance authentique. On commence par la croyance en l'autre. Vous commencez par la croyance dans le prêche, car c'est la base, c'est le fondement de toute chose. Il a mis le fait de suivre sa science d'actes, faire suivre sa science par les actes. La première mas'ala c'était al-ilm. Et la deuxième, donc il dit, Cheikh Mohamed Al-Wahhab, le deuxième point c'est al-amalu bihi. Donc le fait de mettre en application cette science. فيقول شيخ فوزان رحمه الله أي بالعلم لأنه لا يكفي أن الإنسان يعلم ويتعلم بل لابد أن يعمل بعلمه. Donc il dit il est obligatoire de mettre en application cette science parce qu'il ne suffit pas pour une personne d'apprendre et d'enseigner, mais il doit en plus mettre en pratique ce qu'il a appris. فالعلم بدون عمل إنما هو حجة على الإنسان. Donc le fait d'avoir une chance et de ne pas la mettre en application, c'est une preuve contre toi. C'est une preuve contre ta propre personne. C'est une preuve contre toi. فلا يكون العلم نافعا إلا بالعمل. فلا يكون العلم نافعا إلا بالعمل. Donc la science ne sera pas utile tant que tu ne l'auras pas mise en application. La science ne sera pas utile tant que tu ne l'auras pas mise en application. أما من علم ولم يعمل فهذا مغضوب عليه لأنه عرف الحق وتركه على بصيرة. Par contre, celui qui a su, qui n'a pas mis en application cette science, celui-là fera partie des personnes contre qui Allah s'est mis en colère, car il a appris la vérité, il a délaissé avec science, il a délaissé avec clairvoyance, il a délaissé volontairement. ماضي يقول وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. صلى الله عليه وسلم. Donc il y a un vers qui dit et une personne qui a de la science et qui ne la met pas en pratique, il sera châtié avant les adorateurs des statues, avant les idolâtres. وهذا مذكور في الحديث الشريف إن من أول من تسعر بهم النار يوم القيامة عالم لم يعمل بعلمه. Donc ça c'était rapporté dans un hadith aussi authentique. Une des premières personnes qui sera châtiée par le feu le jour des comptes, c'est un savant qui n'aura pas mis en application sa science. العلم مقرون بالعمل. Donc la science va obligatoirement de pair avec la mise en pratique. والعمل هو ثمرة العلم. La mise en pratique, c'est le fruit de la science. فعلم بلا عمل كشجرة بلا ثمار. Donc une science qui n'est pas suivie d'actes, c'est comme un arbre sans fruit. لا فائدة فيها. Aucun bénéfice à en tirer. والعلم إنما أنزل من أجل العمل. Cette science est descendue, cette science sur thérapeute, cette science religieuse, elle est descendue pour qu'elle soit mise en pratique. كما أن العمل بدون علم يكون وبالا وضلالا على صاحبه. De la même façon, tout acte, à l'inverse, tout acte cette fois-ci qui est fait sans science, ce sera un malheur. Ce sera un malheur et un égarement pour celui qui la possède. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم pour celui qui a ces caractéristiques-là, celui qui pratique sans mettre en œuvre, qui pratique sans science. إذا كان الإنسان يعمل بدون علم فإن عمله وبال وتعب على صاحبه. Donc si une personne met en pratique, fait un acte d'adoration sans science, cet acte-là, ce sera un malheur pour lui, ce sera une fatigue pour lui, il ne servira à rien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Donc toute personne qui commet un acte qui ne fait pas partie de notre religion, il se verra rejeté, lui et son acte. ولهذا نقرأ في الفاتحة في كل ركعة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc c'est pour cette raison que nous lisons à chaque fois dans toutes nos unités de prière dans la sourate al-Fatiha dans le sens du verset, Allah, quand on demande à Allah de nous guider sur le droit chemin, le chemin de ceux de qui il a comblé de ses bienfaits, non de ceux qui ont couru sa colère, voire des égarés. فسمى الله الذين يعملون بدون علم ضالين. Donc Allah a nommé ceux qui pratiquent sans science comme étant des égarés. والذين يعلمون ولا يعملون بالمغضوب عليهم. Quant à ceux qui savent mais qui ne mettent pas en application leur science, ces gens-là, eux, ce sont ceux qui ont couru la colère d'Allah. فلنتنبه لذلك فإنه مهم جدا. Donc nous fassions attention à cela, c'est très important. Donc, le fait de faire suivre la science par les actes. ثم قال الدعوة إلى العلم. Donc après avoir parlé du علم, hein, d'accord, et le fait de le mettre en pratique, il a parlé au fait de faire da'wa, le fait d'appeler à cette science. الثانية الدعوة إليه. Donc le troisième point, le fait d'appeler la prédication à cela. قالوا قوله الدعوة إليه أي لا يكفي أن يتعلم الإنسان ويعمل في نفسه ولا يدعو إلى الله عز وجل بل لابد أن يدعو غيره فيكون نافعا لنفسه ونافعا لغيره. Donc il ne suffit pas qu'une personne apprenne et mette en pratique pour sa propre personne uniquement, hein, et à côté de ça il ne fait pas l'appel à Allah, la prédication à Allah. Donc il est obligatoire d'appeler à Allah autre que lui pour qu'il soit utile, non seulement pour sa propre personne, mais aussi pour les autres. وَلِأَنَّ هَذَا الْعِلْمَ أَمَانَةٌ لَيْسَ بِمِلْكٍ لَكْ تَخْتَزِلُهُ وَتَحْرَمُ النَّاسَ مِنْهُ. Et pourquoi? Parce que cette science, c'est un dépôt, et elle ne t'appartient pas. Elle ne t'appartient pas, hein, tu n'as pas à la garder, à la stocker, et tu n'as pas à ne pas en faire profiter les gens. وَالنَّاسُ بِحَاجَةٍ إِلَيْهِ. On peut épuiser si les gens en ont cruellement besoin. Donc il est obligatoire pour toi de transmettre cette science, de la démontrer, de la montrer, de l'expliquer et d'appeler les gens à ce bien. Donc cette science qu'Allah t'a octroyée, hein, n'est pas un don pour toi uniquement, il n'est pas que pour toi. وإنما هو لك ولغيرك. Donc cette science est pour toi et pour autre que toi. فلا تحتكره على نفسك وتمنع الناس من الانتفاع به بل لابد من تبليغه ولا بد من بيانه للناس. Donc il ne doit pas rester en toi seulement et tu empêches les gens d'en profiter. Il est donc obligatoire de le transmettre et de le démontrer aux gens. قال تعالى وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لا تبينونه للناس ولا تكتمونه. Alors, dans son verset, et Allah a pris le serment avec toi à ceux qui ont lu le livre de le montrer aux gens, de l'expliquer aux gens et de ne pas le cacher, le dissimuler. هذا ميثاق أخذه الله على العلماء أن يبين للناس ما علمهم الله من أجل أن ينشروا الخير. Alors, ce pacte-là, c'est qu'Allah l'a pris avec les savants pour qu'ils expliquent, pour qu'ils montrent aux gens ce que Allah leur a appris pour qu'ils puissent ensuite propager ce bien. ويخرج الناس من الظلمات إلى النور وهذا عمل الرسل عليهم الصلاة والسلام ومن اتبعهم. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Et donc le fait de la prédication de ces raccourcis a donc à faire sortir les gens des ténèbres vers la lumière. Et ça, c'est la fonction des messagers alayhi salatu wa salam et ceux qui les ont suivis. Allah dit dans le sens du verset, dit certes ceci est ma voix, j'appelle Allah avec clairvoyance, moi et ceux qui m'ont suivi, et gloire et pureté à Allah, je ne fais pas partie des polythéistes. هذه طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وطريقة أتباعه العلم والعمل والدعوة إلى الله عز وجل. Telle est la façon de faire du messager عليه الصلاة والسلام, la façon de faire de ceux qui le suivent. Donc le fait d'apprendre, d'avoir la science, le fait de la mettre en pratique et ensuite là y appeler à cette science et à cette pratique. فمن لم يدعو وهو قادر على الدعوة وعنده علم وكتمه فإنه يلجم بالإجابة من النار يوم القيامة كما في الحديث. Donc Cheikh dit, après ce qu'on appelle Allah, celui qui ne fait pas l'appel à Allah, alors qu'il en a la capacité, il en a la possibilité, alors qu'il a de la science et il la dissimule. Donc cette personne-là, elle sera donc châtiée par le feu le jour des comptes, comme cela a été rapporté dans un hadith authentique. ثم قال الصبر على الأذى فيه. الصبر على الأذى فيه. Le quatrième point, donc la patience sur les épreuves, les maux, les maux que les gens peuvent vous faire. الرابعة الصبر على الأذى فيه. Le quatrième point, la patience sur les épreuves, sur les maux dans la da'wah. قوله الصبر على الأذى فيه معلوم أن من دعا الناس وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر فإنه سيتعرض للأذى من الأشرار. Donc il est clair, il est connu qu'une personne, lorsqu'elle appelle les gens, qu'elle appelle les gens à Allah, qu'elle leur donne le convenable et interdit le blâmable, elle va être exposée aux maux des gens, aux problèmes des gens, etc., aux épreuves des gens parmi les mauvaises personnes. لأن كثيرا من الناس لا يريدون الخير بل يريدون الشهوات والمحرمات والأهواء الباطلة. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ne veulent pas le bien. Au contraire, elles veulent les pulsions, les passions, les choses interdites et les pulsions, les fausses pulsions. فَإِذَا جَاءَ مَنْ يَدْعُوهُ مِنَ اللَّهِ وَيَرُدُّهُمْ عَنْ شَهَوَاتِهِمْ فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مِنْهُمْ رَدُّ فِعْلٍ بِالْقَوْلِ أَوْ بِالْفِعْلِ. Donc, si une personne, quelle qu'elle soit, elle appelle à Allah, elle vient vers toi et elle te demande d'arrêter de suivre tes passions, tes pulsions, etc., il n'y a aucun doute qu'il y aura une réaction de cette personne, de la part de cette personne. Il y aura une réaction de cette personne, que ce soit par la parole ou par les actes. فالواجب على من يدعو إلى الله ويريد وجه الله أن يصبر على الأذى وأن يستمر دعوتي إلى الله وقدوته في ذلك الرسل عليهم الصلاة والسلام وخيرتهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم. Donc par rapport à ça, on a comporté, il est obligatoire à toute personne qui appelle à Allah et qui cherche par cela le visage d'Allah, donc qui a une pureté dans son intention, de patienter sur les épreuves, sur les maux des gens, sur les problèmes que peuvent lui faire les gens. Et il doit continuer dans ce secret, dans cette prédication à Allah. Et il a dans cela un exemple, qui sont les messagers, alayhim salatu wassalam, et le meilleur d'entre eux, le dernier d'entre eux, Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Mada laqiya min al-nas wa kam laqiya min al-adha bil-qawli wal-fi'li. Donc, qu'a-t-il, on prend l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'a-t-il rencontré de la part des gens? À quoi a-t-il fait face? Qu'a-t-il subi comme dures épreuves, que ce soit par la parole ou par les actes? قالوا ساحر وكذاب وقالوا مجنون وقالوا فيه من الأقوال التي ذكر الله عز وجل في القرآن وتناوله بالأذى. Donc le prophète sallam a traité de sorcier, de menteur, de fou, de possédé. Ils lui ont dit des choses qui ont été, des paroles qui ont été rappelées par Allah dans le Coran. Et il a subi ce qu'il a subi comme épreuve. قذفوه بالحجارة حتى آدموا عقبه لما دعاه إلى الله عز وجل وألقوا سلا جرز على ظهره وهو ساجد عند الكعبة. Donc le prophète sallam a subi des dures épreuves. Ils lui ont jeté des pierres jusqu'à ce que ses pieds soient ensanglantés. Lorsqu'il les a appelés à Allah, ils lui ont aussi posé des restes de plein satan, de chameau, Allah alam, sur son dos alors qu'il était en prosternation à la Kaaba. وتوعدوه بالقتل وهددوه. Donc ils ont promis de le tuer et l'ont menacé. وفي غزوة أحد جرى عليه وعلى أصحابه ما جرى عليه الصلاة والسلام كسروا رباعيته وشجوا في رأسه. Donc qu'est-ce qui s'est passé aussi pendant la bataille de Uhud? Donc il a subi ce qu'il a subi avec lui parmi lui alayhi salatu wassalam, ainsi que ses compagnons. Ils ont cassé ses dents, quelques dents, et ils l'ont aussi, il a été blessé à la tête. Donc il est tombé dans un trou. Et tout cela, malgré tout, c'est un prophète d'Allah. وهو أفضل الخلق عليه الصلاة والسلام فلا بد للذي يقوم بهذه الدعوة أن يتعرض للأذى على حسب إيمانه ودعوته. Donc malgré ça, alors que c'est le messager d'Allah Azza wa Jal, tout ceci pour toutes ces épreuves, dans l'appel, dans la prédication à Allah. Est-ce qu'il s'il a abandonné, s'il a baissé les bras? Non. Il a patienté, il a fait preuve d'endurance, il a résisté, et c'est la meilleure, bien sûr, c'est la meilleure des créatures alayhi salatu wassalam. Donc il est obligatoire pour celui qui s'occupe de la da'wah, qui fait le prêche à Allah, que cette personne, sera exposée aux épreuves, aux maux des gens, selon son degré, son niveau de foi et selon son niveau de prédication. Voilà qu'il alayhi an yasbir. C'est pas parce que dès qu'il y a un problème, si on abandonne tout, c'est bon, il faut patienter. On a dans ça un exemple dans les prophètes alayhi salatu wassalam. Ma dama annahu ala haq. Bien sûr, il faut patienter tant que vous êtes sur la vérité. فَإِنَّهُ يَصْبِرُ وَيَتَحَمَّلُ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا يَنَالُهُ مِنَ الْأَذَى فَهُوَ كِفَّةِ حَسَنَتِهِ أَجْرٌ مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Donc tant qu'il est sur la vérité, il patiente, il fait preuve de persévérance, il endure, car il est sur le sentier d'Allah, sur le chemin d'Allah. Et s'il subit de la part des gens comme problèmes, comme maux, etc., cela se retrouvera, inshallah, sur le bon côté de sa, sur le balance de ses bonnes actions le jour des comptes, inshallah, en tant que récompense de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wa bi hadha al-qadri kifaya, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, استغفرك واتوب اليك والى الدرس القادم يوم الاربعاء ان شاء الله قبل الغداء ب 45 دقيقه في الملخص الفقهي وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. Donc on va arrêter ici ان شاء الله comme ça on va entamer nouveau point au cours prochain et au cours prochain ان شاء الله dans mercredi à 45 minutes toujours avant l'Isha sur le fiqh ان شاء الله de Cheikh Fazan et بارك الله فيكم pour votre patience et votre écoute. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك.